La quatrième édition de la Blues Party aura lieu le samedi 4 juin 2016 dans les jardins du Millennium de l'île d'Abo en Isère. Cette nuit du blues en plein air proposera un plateau d'exception composé d'artistes issus de la nouvelle génération du blues et venus de 5 pays différents. Blackberry and Mr. Boho, France. The Two, Suisse. Guy Verlaine and the Mighty Gators, Belgique. Kyla Brox Band, Angleterre. Torbjørn Hazager and the Black Tornado, Danemark. La Blues Party, c'est le samedi 4 juin 2016 à l'île d'Abo. Renseignements sur bluesactu.com. Merci beaucoup. Ça va bien ? Merci pour la prochaine, si j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça, un Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. One, two, time to party, three, time to party. Four. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café Live. Ce soir, nous recevons un groupe qui a marqué l'année 2015. Après plus de 60 concerts aux quatre coins de la France, 3 clips vidéo et surtout la récente sortie de leur premier album très attendu, ce duo parisien dépoussière le blues en s'acoquinant avec une bonne dose de rock et de musique électro. Avec eux, preuve est faite que le blues, Francis, est une musique bien vivante. Bonsoir Cédric, oui, non seulement Francis, bien vivante, mais très électronique, puisqu'il va y avoir des petites machines qui vont accompagner ce groupe No Money Kid. Sur la scène du Blues Café, vous avez Félix au chant et à la guitare, Jean-Marc à la basse, au sample et au champagne. Il s'appelle No Money Kids. Leave me alone. Le groupe No Money Kids est ce soir notre invité dans le Blues Café Live. In the prime of my life, it brings me to the sun. It brings me out loud. My black cat's blood. Something special, it'll try my mind. My black and brown. Tell me ever long. Ever long black. Ever long black. Lay down my bed. I'm dreaming of a case. It's not my own sound life. It's on dead. She's my maybe. Voilà, l'émission de ce soir du Blues Café Live est consacrée au groupe No Money Kids qu'on va à qui on va demander de nous rejoindre ici sur cette petite scène. On va essayer de leur demander de se frayer un chemin. Il y a beaucoup de monde, comme à l'habitude ici. Nous sommes au Millennium de l'île d'Abo. C'est dans l'Isère et vous pouvez venir assister à cette émission, à l'enregistrement de cette émission. L'entrée est libre et gratuite. Voilà, on a Félix et Jean-Marc qui vont venir ici. On va leur parler notamment de ce tout dernier album qui s'appelle I Don't Trust You. Oui, d'abord, moi j'aimerais bien savoir pourquoi No Money Kids ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ce nom ? No Money Kids, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Beaucoup de choses. No Money Kids, c'est un peu un hommage à toutes les personnes qu'on a croisées et nous-mêmes parfois, sur certains aspects. Et donc ça englobe un peu tout le côté misère sociale de notre société qu'on laisse parfois un peu de côté et qui mérite qu'on la mette un peu en avant. Alors vous la mettez bien en avant d'ailleurs avec cet album I Don't Trust You, je ne vous crois pas, je ne vous fais pas confiance. Effectivement, la misère sociale, on la voit bien quand on lit les titres qui composent cet album. Il y a garbage, donc déchets, bullshit que je ne traduis pas, on parle d'exclusion dans Government, on parle de marginalité dans Vagabond Train, on parle de vieillesse dans Old Man, on parle de violence avec Lips, de dépendance avec Beach, de déchéance avec War. Ils vont aller se jeter dans la bourbe locale bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi une corne. C'est une thérapie en fait, votre groupe, vous lâchez tout là. Oui, bah de toute façon, il y a quelque chose de thérapeutique d'écrire une chanson. Déjà, c'est pas anodin. Enfin, quand on met sur du papier ou sur un enregistrement quelque chose, ça veut forcément, il y a forcément un message, quelque chose derrière. Et là, pour le coup, c'était un peu comme un exutoire. Et donc, oui, il y a un peu beaucoup de choses pas terribles, mais c'est ce qui composait en tout cas nos envies à ce moment-là. Les textes semblent ne pas vous suffire, parce que la musique aussi, on dit souvent de votre musique qu'elle est hargneuse, rude, presque animale, donc vous vouliez en rajouter ? Non, en fait, je suis le bassiste, je présente, parce qu'on est parti de Félix, le chanteur. Absolument, Félix à la guitare et toi aussi à la basse. Je vais revenir sur les textes, et c'est vrai, t'as raison, sur la musique qui est un peu sauvage. En fait, quand t'es artiste, quand on fait le boulot qu'on fait, Félix, il ouvre les yeux en fait, et puis il cherche. Ah, parce qu'il dormait avant ? Non, il dormait pas avant, mais il écrivait moins de chansons. C'est vrai, quand il était tout petit. Depuis, il ouvre les yeux, et en ce moment, quand on ouvre les yeux, c'est pas cool. Donc, ça donne ça. Après, on va sortir un deuxième album là. Donc, à vous de bosser tous pour qu'on soit plus gays, hein, parce que là, c'est pas. On essaye quand même de vous donner du plaisir en faisant du son. Faites-les rire. Nous sommes le reflet de, un petit peu de ce qu'on ressent nous. Pour le moment, on ressent des trucs pas. Le deuxième album, il y aura Flower. Exactement. Peace. Mais tu rigoles, mais ça commence. Il y a des trucs un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Parce qu'en fait, on a décidé de fermer un peu plus les yeux. D'accord. Et de dire moins la vérité. C'est donc là, on va faire des trucs super cool. On va parler des fleurs et tout ça. On va parler de la fausse vérité. Bon, voilà. Ceci dit, Cédric citait quelques titres en effet de l'album. Je sais pas si tu as cité aussi le titre Men qui parle de l'homosexualité. Il n'y a pas que des choses tristes parce que c'est une défense aussi, c'est une revendication. Et il y a aussi la vieillesse, donc homosexualité. On peut d'ailleurs être vieux et homosexuel en même temps. Hein. Ouais. Ça fait partie d'une défense aussi, disons, plus politique. Oh là là, on est loin de la politique. On non, est plutôt mais politique au sens large, je l'entends. On est dans le sociétal, quoi. Tu vois, parce que la politique au sens large, moi, je sais plus trop ce que ça veut dire, même au sens pas large, d'ailleurs. Donc voilà, on va enlever le mot politique, on va prendre le mot plutôt sociétal, tu vois. C'est ça va. Monde. Ouais. En tout cas, au niveau musical, je disais tout à l'heure, c'était presque animal. Vos arrangements ne sont pas trop décorés hein, comme musique, et vous utilisez aussi une technologie, les samples, etc. C'est un choix. Parce que vous êtes jeune, bien sûr, les kids. Peut-être aussi parce que vous n'avez pas d'argent, non monnaie, peut-être quoi, hein, tout ça. Pourquoi ce choix, justement, d'intégrer un peu la guitare d'un côté et puis les samples avec la basse de l'autre ? Bah parce que c'est quelque chose qui, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, quand on a commencé à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on allait mettre sur le papier et en studio ce qu'on ressent réellement, je pense qu'on aurait été dans le faux si on avait fait que du blues, enfin blues traditionnel comme on l'entend, ou alors que de l'électro comme on l'entend maintenant. On va parler des influences, parce que justement tu parlais de ça. Vos influences finalement, c'est un petit peu le grand écart de fait. Vous essayez de réconcilier peut-être un groupe comme R avec John Lee Hooker. Je pense à R notamment sur le titre 4, le titre War, qui m'a fait beaucoup penser à la musique électro de R. Ouais. Est-ce que ça te fera plaisir, Jean? Ouais. Moi, je suis comment tu parles de moi, tu vois mes influences, parce que le problème, c'est qu'on parle que du blues, alors c'est l'électro, tu vois, on parle pas. Bon, en fait, t'as dit R, mais moi, c'est ce dont il se. C'est l'aboutissement d'un truc, mais d'une vieille musique qui existe depuis longtemps, qui est partie même avant les Floyd, c'est-à-dire avec les premiers synthés. Le premier synthé, c'était un synthé russe, si ça vous intéresse, qui s'appelle le Theremine, avec un champ électromagnétique. Enfin, bref. Vous notez, il y a un terreau écrit après. Hein. Voilà, sachez que la musique électronique est allée dans la musique contemporaine d'orchestre. Boulez s'en est servi avec les ondes Martenot, tout ça. ça. Donc l'électronique qui fait de la musique, c'est pas un truc récent. Vous, vous l'entendez récemment parce que la musique populaire, ça y est, se sert de l'électronique. Au départ, c'était pour des questions économiques dans les années 80. Maintenant, c'est pour des questions artistiques. Donc, c'est devenu un nouvel instrument de musique, ce machin électronique, comme un luthier. C'est un appareil, comme un piano, avec lesquels, sur lesquels on appuie sur des touches. C'est tout, on a tout préparé, parce que nous, en fait, on ne fonctionne pas avec des séquences qui font tous les morceaux. On a des tout petits bouts de musique, ce qui nous permet d'improviser et de ne pas être tributaire de la machine, en fait. Et donc, c'est un instrument de musique qu'on propose, parce qu'on peut faire de la musique avec des machines, voilà, l'essentiel, et qu'elles ne nous bouffent pas. Et ça, c'est un travail. C'est ça, le travail, il est là, en fait. C'est de ne pas te perdre dans la machine et de garder l'essence même du bassiste et du guitariste et du chanteur blues qui est là. No Money Kids, ce soir, nous parle de musique électro. C'est inhabituel dans le Blues Café, mais il y a un début à tout. On va écouter un groupe. Ça va vous laisser le temps de rejoindre la scène. Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est une découverte. Un groupe qui s'appelle Charlie, c'est d'actualité. Patton's War, un hommage à Charlie Patton. Un jeune groupe qui n'a que 5 ans, qui se revendique de groupes comme les Black Keys, Left Land Cruiser ou encore Reverend Peyton's Big Dam, dont ils ont d'ailleurs fait l'ouverture. C'est rock, garage, parfois un peu crado, donc tout ce qu'on aime, c'est aussi bien, ici, ouais, dans le Blues Café. Je croyais que t'allais dire c'est tout comme eux. Non, nous on est crado, mais je n'aurais pas osé. L'album s'appelle Rock and Roll House Party et le titre que l'on écoute s'appelle Pharaoh. Le groupe Charlie Patton's War à l'instant dans le Blues Café et on est de retour ici au Millennium de l'île d'Abo avec sur scène le groupe No Money Kids. Jazz Radio Blues. Jazz Radio Blues. Kids. Et ce soir, notre invité dans le Blues Café Live. Jazz Radio Blues. Jazz Radio Blues. Ne changez rien, vous écoutez bien le Blues Café Live. Et ce soir, nous recevons le groupe No Money Kids qui va nous rejoindre. C'est Félix et Jean-Marc qui sont avec nous. Tout à l'heure, on parlait de votre musique violente, rugueuse, animale. On parlait aussi des titres un peu difficiles. Eh bien moi, figurez-vous, j'ai trouvé de la sensualité dans certaines de vos chansons. De la sensualité dans un titre même assez paradoxal, puisque c'est War, si j'ai bonne mémoire. Donc un titre qui parle de la guerre, mais un titre en même temps avec beaucoup d'émotions. Bah, c'est un peu une mise à nu de toute façon. Enfin, ce morceau dans les textes et puis dans la manière qu'on a de l'interpréter, c'est vraiment une mise à nu. Donc la douceur, on n'est pas dans un combat sur cette chanson, on est vraiment dans une mélancolie. Il y a un titre un peu dans cet esprit aussi qui est plutôt assez doux, c'est No Money Kids justement. Alors là, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est le morceau pour moi en tout cas le plus dur à jouer parce que ça concerne c'est l'histoire de ma grand-mère en fait, cette chanson. Mamie. Et c'est réinterprété mais enfin c'est inspiré, c'est grandement inspiré de sa vie et donc c'est ce qui a fait qu'on s'appelle No Money Kids, c'est cette chanson. Et donc enfin les textes sont pour moi beaucoup plus rugueux que ceux de War qui sont pour le coup un peu salvateurs quoi. Ouais. Allez chanter. On est dans une émission de blues, mais on aime que les fenêtres s'ouvrent hein, aussi et on regarde devant. On Il faut, a intérêt d'ailleurs. Sinon voilà. Tu tombes. Bon, vous aimez le blues aussi et dans cet album parfois on sent quand même quelques références au blues. C'est quoi finalement vos influences blues pour vous? Les influences blues, ouais. c'est beaucoup de gens, mais je pense que c'est surtout une vision du blues qui a longtemps été mise de côté et qui était le blues qu'on pouvait trouver dans les années 30, qui était parfois même, en l'écoutant aujourd'hui, punk, avec des manières de l'interpréter qui sont à contre-courant de ce qu'on entend aujourd'hui, et donc au niveau de la métrique et au niveau de plein de choses, il y avait beaucoup d'innovation à cette époque qu'on a perdu. Et donc nous, nos influences blues, elles viennent de tous ces artistes-là, donc Robert Johnson, Blind Willie Johnson, tous ces mecs-là qui en fait avaient à l'époque une vision un peu prématurée du blues et qu'on a oublié. Alors on parle de blues, mais tout à l'heure Cédric faisait référence à des groupes qui ne sont pas blues, mais qui lui affectionnent énormément, moi aussi d'ailleurs, les Black Keys. Est-ce que c'est justement une de vos références? Ah bah oui. Bah oui, parce que c'est un peu eux qui nous ont montré la voie, sans leur jeter des fleurs, même s'ils le méritent. Mais c'est un peu quand on s'est rencontrés en fait avec Jean-Marc, il y a eu une grosse révélation qu'on a eue, je pense, chacun de notre côté, qui a fait l'univers de cet album-là. C'est la rencontre, musicale avec les Black Keys et l'amour que JM avait pour R, en parallèle à Pink Floyd. Donc du coup, c'est vraiment les deux influences et ceux qui ont montré qu'on pouvait faire encore du blues intéressant aujourd'hui. Et est-ce que c'est aussi grâce à eux que aujourd'hui vous pouvez tourner, notamment en France? On voit que vous faites beaucoup de dates et on sait qu'il y a beaucoup de groupes comme ça, des fois un peu borderline, un peu novateurs, qui disent c'est un peu compliqué quand on n'est pas suffisamment blues pour les festivals de blues, ou pas suffisamment rock pour les festivals de rock, pas suffisamment électro pour les... En France, on a des fois tendance dans les programmateurs à être toujours pas un peu assez du style qu'on attend de nous, quoi. Bah, tu sais, c'est la crainte qu'on avait, ouais. Mais je sais pas ce qui se passe parce qu'à chaque fois, les bluesmen ils nous crachent pas dessus et les mecs d'électro ils nous crachent pas dessus. Ça veut dire, ils disent, ça contente un petit peu les deux. Ça, c'est une petite liberté. Le bluesman il va trouver sa petite liberté dans des sons électroniques qu'il a pas. Enfin, les gens qui aiment le blues, qu'il n'a pas. Et les gens qui aiment l'électronique vont dire, ah, il y a quand même un petit charlet là, je reconnais, j'ai des repères. Et moi, je crois que ça vient aussi du fait, je pense pas que tu puisses le faire avec toute la musique. Je crois que le blues, c'est un terrain. D'abord, c'est pas figé du tout. Donc, on peut faire. C'est une racine, le blues, tu vois. Alors après, tu fais pousser les branches que tu veux, quoi. Ça vient de là. Mais je veux dire, si tu demandes à R s'ils ont écouté du blues, je pense que je prends pas beaucoup de risques en te disant qu'ils l'ont fait. C'est pour ça que c'est pas si compliqué en fait pour nous. Après voilà, on s'est pas encore fait par les puristes, c'est ça que tu voulais dire en fait, le puriste de l'électronique ou le puriste du blues. Je crois pas parce que moi en tout cas j'ai une culture électronique assez en synthé et en production, je peux ouvrir. Et Félix, il est vraiment, ça veut dire que c'est moi qui suis beaucoup plus âgé que lui, mais alors au niveau culturel, je connais rien avant. Ouais, je sais. Moi avant les années 70, je connais pas grand chose. Lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que des années 30, enfin tu vois ce que je veux dire, il te parle de bluesman d'années 30. Moi je savais même pas que ça existait. Alors c'est vrai qu'on vous a vu au festival de Cognac, on va vous voir, je crois, au festival de blues de Beauvais. Vous avez quelques très beaux festivals de blues. Voilà, c'est plutôt positif. En fait, ta question, il faudrait que tu la poses au, au programmateur. Mais on n'a pas l'air de décevoir voilà, les gens du blues et les gens de l'électronique. Quoi. C'est des on parlait de rencontres justement tout à l'heure. Finalement, comment vous êtes rencontrés? Ça fait 2 ans et demi que vous tournez un peu ensemble. Bon, j'imagine que ce n'est pas sur un site de rencontres. Bah, si, non. Si, c'est Nomidic Kings. Ils avaient, ils étaient fans des Black Keys, ça les a matchés tous les deux. Non, mais en fait, on s'est matchés en studio. C'est un peu, c'est marrant parce que quand on raconte notre, enfin notre rencontre, il y a tout de suite des mots qui sont de l'ordre de la rencontre amoureuse. Et personnellement, moi, c'est la, enfin c'est la première fois que c'est sincère quand je dis ça. Oui, d'ailleurs, on rappelle que vous avez fait un titre sur l'homosexualité qui s'appelle Man. Hein, il faut tout, il faut tout tester pour voilà. Mais non, mais après voilà, c'est, on s'est rencontrés comme beaucoup de musiciens en studio, et sauf que on devait passer à, 2 jours ensemble, et on a passé une 20aine de jours à travailler tous les deux. Et c'était chaud. C'était très très chaud, très très chaud. Je peux pas le dire là maintenant parce que on nous voit, mais. Avant de rentrer dans des considérations plus grivoises, et avant que vous retourniez peut-être sur la scène, on a parlé de musique, mais on peut aussi parler de cinéma, parce que non pas, vous ne jouez pas dans des films, mais je crois que vous, vous faites, ou vous avez fait, de la musique pour des séries ou des films. J'ai cru entendre parler de ça. On en fait, nous aussi on a cru entendre parler de ça, parce qu'en fait on en fait beaucoup. mais c'est, comme, c'est un peu comme dans tous les secteurs, c'est-à-dire que on vous, voilà, certaines chansons sont prises, et certaines d'autres enfin, pas. Et c'est vrai qu'on répond à beaucoup d'appels d'offres, si on peut appeler ça comme ça. Mais il y a quelques chansons à nous qui sont sur des films ou sur des séries. Ou de la pub. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça, on a très peu de synchro, puisqu'on appelle ça comme ça, enfin en tout cas dans le jargon. On a très peu de synchro en France et beaucoup aux États-Unis. Donc à croire que, je sais pas, peut-être qu'on parle pas la même langue, ou je sais pas. Peut-être bien, peut-être bien. En tout cas, votre album s'appelle I Don't Trust You. En attendant, si on a bien compris, un autre album qui va bientôt venir alors. Ah oui, il est déjà, d'ores et déjà... Ah, il est déjà là. Dans la boîte. On va vous demander de rejoindre la scène du Blues Café. N'oubliez pas les petites fleurs dans les cheveux. Et pour vous entendre de nouveau, No Money Kids sur la scène du Blues Café. Merci à vous. No Money Kids qui rejoignent la scène du Blues Café. On rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le www.bluesactu.com. Un site sur lequel également nous vous proposons chaque semaine 5 nouveautés d'albums qui sont intéressants et qu'il ne faut pas louper. No Money Kids en faisait bien entendu partie dès la sortie de l'album. I can't lie. feel now that I got it. Hey, it's getting lonely. Le groupe No Money Kids était ce soir nos autres invités dans le Blues Café Live. Comment on va bien ? Merci pour la prochaine aussi, j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça, le Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, avant de laisser la scène aux No Money Kids pour un dernier titre, on voulait les remercier beaucoup. No Money Kids sont venus présenter ce soir leur album Félix et Jean-Marc. Vous pouvez les applaudir. Merci également à toute l'équipe du Millennium, Gilles, Ludo, Laure pour ne citer qu'eux, et Sébastien également. Merci à Laurent qui est à la réalisation technique de l'émission. Et venez nous retrouver dans le mois prochain dans le Blues Café. Avec cette fois-ci une jolie dame qui s'appelle Gaëlle Buswell. On va changer de style. On se donne rendez-vous sur le www.bluesactu.com. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr. Don't wait to sit down. out your feet. I'm born into the darkness, wrong place you never see. You will never ever see. Money you got protects you. You never see your mama ring at your door. Ask for something, won't be the child, the child in the arms. Down. Cry is killing, cause the mama is mine, and the baby is me, and the mama is mine, and the baby, mama, I'm the baby. Don't realize I'm hurt. Don't want the way to sit down. I'm too free. I'm